Le roi des montagnes, roman de Edmond About, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative commons.org.